France Culture et la Comédie Française présentent Angels in America de Tony Kushner. Texte français de Pierre Laville. Adaptation radiophonique de Pierre Laville et Guillaume Poix. D'après la version intégrale publiée à l'avant-scène dans la collection des Quatre Vents. Avec la troupe de la Comédie Française. Réalisation Cédric Ossier. Première partie, le millénium approche. Octobre 1985. Bonjour, je vous salue bien. Je suis Rabbi Isidor Shemelvitz, de la maison des retraites des vieux Israélites d'Hébron. Nous sommes réunis ici, ce matin, pour rendre une dernière hommage à Sarah Ironson, épouse dévouée de Benjamin Ironson, précédemment décédée, mère aimante et dévouée de Maurice, Abraham et Samuel, ses fils, et de ses filles, Esther et Rachel, grand-mère bien-aimée de Max, Marc, Louis, Lisa, Maria, Leslie, Angela, Luc, et Eric. Eric. Une belle grande famille. Nous voici ici réunis pour pleurer ensemble cette femme des biens. Cette femme, je ne connaissais pas personnellement cette femme. Je ne peux pas vous décrire ses qualités ni sa personnalité. Elle était à la maison de retraite des vieux Israélites. Il y a beaucoup de vieilles femmes comme elle et je tâche de parler à chacune, mais pour être franc, je ne lui ai jamais parlé. Elle préférait le silence. Ce qui fait que je ne l'ai pas connue et pourtant, je la connais quand même. Elle était à elle seule toute une espèce de personne, celles et ceux qui ont traversé l'océan, qui ont emporté avec eux jusqu'en Amérique les villages des Russies et de Lituanie, et nous rappeler comment nous avons dû lutter et nous battre pour avoir une famille, pour vivre une vie juive, pour que vous n'ayez pas à grandir ici, dans cet endroit paradoxal, dans ce creuset où rien ne se mélange. Ce n'est pas en Amérique que vous avez grandi, ce n'est pas en Amérique que vous vivez, vous, les descendants de cet émigré, vous et vos enfants, avec leur nom de Goy, vous ne vivez pas en Amérique. L'Amérique, ça n'existe pas. Vous êtes fait de la terre d'un chetelidvac. Vous respirez l'air des steppes, parce qu'elle a transporté le vieux monde avec elle en traversant l'océan dans un bateau, et qu'elle l'a déposé à Grand Concourse Avenue ou à Flatbush. Et elle vous a inculqué au plus profond de vous-même cette ancienne, très ancienne culture de chez nous, à charge pour vous de la transmettre à vos enfants. Vous n'aurez plus jamais à refaire la traversée qu'elle a faite, car d'aussi grands voyages n'existent plus dans ce monde. Mais chaque jour de votre vie, vous parcourrez toute cette distance entre cette terre et vous. Chaque jour, vous ferez ces voyages. Vous m'entendez bien. Ce voyage, il est en vous. Bien. Elle était le dernier des Mohicans. Voilà. Dans peu de temps, tous les vieux seront morts. Ne quittez pas. J'aurais voulu être une pieuvre, une de ces putains de pieuvres à huit bras et avec toutes ces ventouses pour envelopper et sucer. Tu me suis ? Non, j'ai... Tu veux déjeuner ? Non, ça va, viens justement... Eliane ? Roycon. Quel accueil. Moi, je croyais qu'on était amis. Bon, écoutez, Madame Soffer, c'est pas une raison pour vous mettre dans un état pareil. Vous vous énervez. Vous criez, vous allez vous rendre malade. Si vous criez encore, vous allez vous faire péter les petits vaisseaux sur le visage. Non, je plaisantais, Madame Soffer, je plaisantais. Je vous ai déjà présenté mes excuses au moins 16 fois, Madame Soffer. Ça durera pas plus d'une minute. Mange, en attendant. Bon, il a l'air fameux, ce sandwich. Il est à quoi? Foie gras, on dirait. Prends. Non, je vous ai déjà dit que j'étais pas en vacances, mais en voyage d'affaires, Madame Soffer. J'ai des clients en Haïti, Madame Soffer. Bon, écoutez, Eliane, depuis que les tribunaux existent, je suis pas le seul avocat à avoir manqué une audience. Hein, pas besoin d'en faire une histoire pareille. Ah, vieille folle. Si c'est pas le moment... Pas le moment? C'est un très bon moment. Baby doll, tu vas... Oh putain, attends. Allô? Oui, désolé de vous faire attendre, juge Hollins. Oh, Madame Hollins. Pardon, ma chère, mais vous avez une voix si grave. Comment se passe votre séjour? Elle a une voix de camionneur. Et lui, il a la voix de Julie Andrews. On les confond. Il a été nommé par Nixon. Toutes les chochottes, c'est Nixon qui les a nommées. Oui, oui, oui, parfait. Combien de billets, ma chère? 7. Pour quel spectacle? 42e rue ou quoi? Non, la cage en folle, vous n'aimerez pas. Mais vous n'aimerez pas, faites-moi confiance. Oh, oh, pardon, ne quittez pas. Baby doll, 7 places pour Katz, ou l'équivalent, n'importe quoi, du moment que ça passe pour un succès dont on parle. Ils s'en foutent, et moi aussi. T'as vu la cage aux folles? Non, je... Fabuleux. Ce qu'il y a de mieux à Broadway, peut-être depuis toujours. Oui, qui ça? Putain, mais qui êtes-vous? Attendez. Harry, $87,000. Qu'il aille se faire foutre, je l'emmerde. Une chaîne de films porno dans le New Jersey. Ah ça, Harry, c'est la beauté de la loi. Oui, bien sûr, je crois que je te... Non, non, mais... Oh, ah si. Toi, ne quitte pas, je te paie pour attendre, espèce de petit con. C'est un nul, il pense avec sa queue. Moi, Joe, l'univers, je le perçois comme une immense tempête de sable cosmique soufflant à la vitesse d'une tornade dont les grains de sable seraient remplacés par des éclats de verre et des lames de rasoir. T'as jamais senti ça? Jamais connu de journée comme ça? Non, non, jamais. Et comment se porte la cour d'appel? Il juge. Il vous transmet son bon souvenir. C'est un homme bien, loyal. Pas des plus intelligents, mais il a de la tenue. Et une superbe crinière argentée. Il me donne de plus en plus de responsabilités. Oui, genre rédiger ses jugements et les signer de son nom. Eh bien... C'est un bon gars. Et tu le couvres à la perfection. Merci, Roy. Mais Alors, Baby Doll, on en est où? Katz? Super! Katz, ça parle de chats. Des chats en train de chanter, vous allez adorer. 8h. Le théâtre commence partout à 8h. Ah putain, c'est touriste. Oh, mais relax, relax, et je t'en prie. Bon Dieu, mais mange quelque chose. Pardon, Roy, mais est-ce que vous pouvez... Ne quittez pas. Madame Soffer? Madame... Mais nom de Dieu, mais elle est où? Non, mais elle était encore là, il y a une minute. Ah, Baby Doll, regarde si... Ah, putain, que Dieu baisse ce putain de téléphone. Baby Doll, appelle le central, mais... Nom de Dieu, de merde. Roy! Quoi? Ne quittez pas, qu'est-ce qu'il y a? Pourriez-vous, je vous prie, ne pas utiliser le nom de Dieu de manière aussi peu justifiée? Je m'excuse, mais je vous en prie, au moins pendant que je suis là. D'accord, désolé. Putain, on voit ça qu'en Amérique. Baby Doll, dis-leur à tous d'aller se faire foutre. Dis que je suis mort. Et occupe-toi de Madame Soffer, je la rappellerai plus tard. Oui, je le ferai. Je sais ce que je lui dois. Elle en a 400 fois plus enfoncé dans son... Oui, oui, mais bah, voilà, bah, dis-lui que j'ai dit ça. Alors, Joe. Je suis désolé, Roy, mais c'est seulement... Non. Il faut avoir des principes et les faire respecter. Je suis pas religieux, mais j'aime bien Dieu. Et Dieu m'aime bien. Baptiste, catholique? Mormon. Mormon. Merveilleux. On voit ça qu'en Amérique. Alors, Joe, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est... Eh bien... Une vie de fou. Chaotique. Dieu bénit le chaos. Pas vrai? Ah, les Mormons. J'ai connu des Mormons au Nevada. Plutôt dans l'Utah? Non, mes Mormons étaient à Las Vegas. Alors, Bon, est-ce que ça te plairait d'aller à Washington et de travailler au ministère de la Justice? Pardon? Est-ce que ça te plairait d'aller à Washington et de travailler au ministère de la Justice? Il n'y a qu'un simple coup de fil à passer, j'appelle Ed et c'est fait. Pour quel travail exactement? Conseiller de haut niveau. Les grandes affaires dans la cour des grands. Quelque chose de super. Avec un vrai pouvoir. Il faut que je réfléchisse. Naturellement. C'est vraiment le moment d'être là-bas, Joe. Non, c'est incroyablement excitant. Et ce serait important aussi pour moi. Tu saisis? Je sais pas comment dire ma reconnaissance, Roy. Je suis comme assommé. Merci, Roy. Merci. Mais je dois y penser. Je dois en parler à ma femme. Ta femme? Bien sûr. Mais je tiens à dire combien. Mais oui, c'est ça. Parle-en à ta femme. Les gens qui sont seuls, les gens qu'on laisse seuls, restent là à parler, tout seuls, à divaguer, à imaginer la mort des plus beaux systèmes, la destruction des ordres anciens les plus solides. Prenez la couche d'ozone. Si on l'observe de l'extérieur, depuis un vaisseau spatial, cela ressemble à un halo bleu pâle vacillant autour de l'atmosphère terrestre qui englobe notre planète. Avec, comme cadeau de Dieu, la touche la plus subtile couronnant la création du monde, les anges gardiens qui se donnent la main pour former un immense filet sphérique bleu-vert qui nous enveloppe. Une sorte de toile de protection pour la vie elle-même. Mais partout, les choses s'effondrent. Les mensonges se révèlent. Les systèmes de défense s'écroulent. Je ne me sens pas en sécurité ici. Il m'arrive des choses qui ne sont pas normales, qui sont même étranges. Des choses et des gens qui apparaissent tout à coup. Moi, tout matin, il suffit que Joe ne rentre pas pour que mes rêves se mettent à me parler. J'ai l'impression... un événement va se produire. Maintenant. Nous sommes en 1985, 15 ans avant l'arrivée du nouveau millénaire. Peut-être une vie nouvelle, avec du sang neuf, une nouvelle fraternité et de l'amour et de la sécurité. Ou peut-être que les pires malheurs arriveront, les plus terribles menaces, et ce sera la fin du monde. Le ciel nous tombera sur la tête. Il y aura des pluies épouvantables, les pires tempêtes. À moins que ma vie soit vraiment belle. Peut-être que Joe m'aime vraiment, et c'est moi qui suis folle de penser le contraire. Peut-être que je suis incapable de m'en rendre compte. Peut-être. Cette incertitude me tue. C'est l'ascenseur. Oh mon Dieu! Je dois m'arranger un peu. Bonjour ma douce. Désolé, je suis en retard. Je me suis promené un peu. Tu te sens pas bien? Un peu d'angoisse. De l'angoisse? Pourquoi? Dis, ça te dirait qu'on aille vivre à Washington? Oh, quelle cérémonie bizarre. Monsieur Rabin. Note bien son numéro de téléphone avant de quitter le cimetière. C'est lui que je veux à mon enterrement. C'est mieux d'arriver tôt. Chacun doit jeter un peu de terre sur le cercueil. Oh, les joies du cimetière, faut pas rater ça. Ah, c'est une vieille coutume juive pour dire son amour. Une pelletée de chacun pour toi, grand-mère. Les retardataires risquent de trouver la tombe déjà pleine. Elle était assez démente. Il y a 13 ans qu'elle vivait dans ce foyer, à parler toute seule. Je ne lui ai jamais rendu visite. Elle me rappelait trop ma mère. Pauvre Louise. Je suis désolé pour ta grand-mère. Quel tout petit cercueil. Excuse-moi de ne pas t'avoir présenté à ma famille. Je me sens toujours au placard dans ces réunions de famille. Tu fais le mec viril. Bonjour, cousine Doris. Tu te souviens de moi, Lou, le fils de Rachel. Lou, pas Louis. Parce qu'on devinerait si tu prononçais Louise en traînant. Non, je ne traîne pas. Je te reproche pas de te cacher. Les liens du sang. Les malédictions juives sont les pires. Si ça devait m'arriver, je m'évanouirais. Ah, au fait, chérie, ta cousine Doris est une gouine. Non. Tu crois? Tu remarques jamais rien. Si j'avais pas passé les 4 dernières années à te sucer, je jurerais que tu es hétéro. Tu es d'une humeur infecte. Bon, le chat n'est toujours pas revenu? Pas le plus petit poil à l'horizon. Je voulais un chien, pas un chat. Hein. Il pissait sur mes livres. C'était une femelle. Les chats sont des prédateurs stupides et désaxés. Les Babyloniens les emmuraient vivants. Hein. Les chiens ont un cerveau. Les chats ont de l'intuition. Un chien éveillé à l'intelligence d'un enfant de 2 ans. Quand il va arriver un malheur, les chats le sentent. Ils savent surtout quand tu oublies de leur donner à manger. Ils sont voyants. Ils devinent. C'est pour ça que Sheba s'est tirée. Elle avait deviné quoi? Regarde. C'est une veine qui a éclaté. C'est pas l'avis des autorités médicales. Quoi? Parle. Kaposi, bébé. Lésion maxi. Le lit de vin baisé de la mort. Arrête. Je t'en prie, je t'en prie. Je suis un lésionnaire. De la lésion étrangère. La lésion américaine, la maladie du lésionnaire. Arrête. Mes plaies sont lésions. Et arrête. Comment trouves-tu que j'assume pour quelqu'un qui va mourir? Des conneries. Lâche-moi. Non. Je te dis de me lâcher. Non. Impossible, non, de te ménager, bébé. Rien n'est plus dur que le mur des évidences scientifiques. On se fend le crâne sous le choc. Kaposi. Flamme. Chier. Chier. Chier. Ah ben je préfère ça. Enfin une réaction adulte. Allons voir si la chatte est rentrée. Louis. Tu l'as découvert quand? Je pouvais pas te le dire. Pourquoi? J'avais trop peur. De quoi? Que tu me quittes. Ah. C'est pas idéal comme occasion d'enterrement, tout ça, mais je me suis dit, tant qu'on est en plein dans le sujet... Je dois aller à l'inhumation de ma grand-mère. Lou. Ensuite, tu rentres à la maison? Ensuite, je rentre à la maison. Washington. C'est un incroyable honneur, ma douce. Et je dois y penser. Évidemment. Refuse. Tu viens de dire que tu voulais réfléchir. Je ne veux pas habiter Washington. Eh bien, moi aussi. C'est un cimetière géant orné partout de tombes et de mausolées. Mais on pourrait habiter en dehors de la ville, à Georgetown ou ailleurs. On est heureux ici. Non, c'est pas complètement vrai. Ma douce, on... Enfin, plutôt heureux. Soi-disant heureux. C'est mieux que rien. Le moment est venu de changer, Harper. Changer? Non. Pourquoi? Il y a 4 ans que j'ai pas changé de poste. Je gagne 29 000 dollars par an, c'est ridicule. Je suis sorti 4e de ma promotion et je suis celui qui gagne le moins. Et je suis fatigué d'être assesseur dans un tribunal. Je veux aller là où de grandes choses se passent. Il ne se passe rien d'important à Washington. Ça nous fera vivre en dehors des enseignements de l'Église. On achètera un nouveau mobilier à la mode et on deviendra un joli petit couple friqué. J'ai mieux à faire ici. Quoi, par exemple? Des choses que je dois faire. Lesquelles? Finir de peindre notre chambre à coucher. T'as commencé il y a presque un an. Je sais. Ce n'est pas fini parce que je n'ai pas eu assez de temps pour la terminer. Et ça n'a pas de sens. Tu as tout le temps que tu veux, tu pourrais finir pendant que je travaille. J'ai peur d'entrer seule dans la chambre. Peur de quoi? Il y a quelqu'un. Je l'entends. On a gratté le mur avec du métal. Un homme avec un couteau, on dirait. Non, il n'y a personne dans la chambre. Mais tu n'en sais rien! Il y a quelque chose de très inquiétant dans cet appartement. Souviens-toi de Rosemary's Baby. Rosemary's Baby. Bah, notre appartement ressemble à celui du film. Le même genre d'appartement dans Brooklyn. Mais ça se passait pas... Mais il lui ressemble. C'est vrai. Bah, alors déménageons. Voilà. On pourrait habiter Georgetown. Georgetown, c'est pire. L'exorciste se passait à Georgetown. Oh, mais où que tu regardes, tu vois le diable, Harper. Ah oui, partout. T'as pris combien de Valium aujourd'hui? Aucun. Un. 3 seulement. Ça fait des années que pour moi elle était comme morte. Quand on m'a prévenu qu'elle venait de mourir, je n'en revenais pas. Je l'avais abandonnée. Schafe wird die Zorn von der Schlängese um bei der Krankbarkeit. Je ne parle pas le yiddish. L'ingratitude des enfants est plus cruelle que la dent du serpent. Shakespeare. Kenning Lear. Rabbi, qu'y a-t-il dans la Bible concernant celui qui abandonne quelqu'un au moment où il a le plus besoin de lui? Pourquoi cette personne ferait une chose pareille? Parce qu'il ne peut pas agir autrement. Peut-être que la vision que quelqu'un se fait du monde, sa conviction que le monde peut sans cesse devenir meilleur grâce à la lutte des hommes, peut-être que quelqu'un qui a une conception que l'on pourrait qualifier de positiviste, de néo-hégélienne de l'histoire, prônant l'idée d'un bonheur continu vers le bonheur ou la perfection, qui éprouve au fond de lui une vraie puissance parce qu'il se sent lié à ce processus positif d'évolution permanente, peut-être que ce quelqu'un ne peut pas concilier la maladie avec l'idée qu'il a de la marche du monde. Peut-être que les vomissements et les plaies, la maladie, lui font vraiment peur. Peut-être que la mort n'est pas du tout son affaire. Oui, les Écritures saintes n'ont rien concernant une telle personne. Rabbi, j'ai peur des crimes que je pourrais commettre. Soyez gentil, mister. Je suis un vieux rabbin, mal portant, qui a une bien longue route à faire pour entrer chez lui dans le Bronx. Alors, si vous voulez vous confesser, allez donc trouver un prêtre. Je ne suis pas catholique, je suis juif. C'est un grand malheur pour vous, mon petit. Les catholiques croient au pardon. Les juifs croient à la culpabilité. Je sais ce qui te fait peur. Mais fais l'effort de comprendre ce que ça représente pour moi. Essaie. Tu veux ? Oui. Bien. Essaie vraiment. Je pense que le monde est en train de changer. Mais je ne veux pas... Attends. En bien. Il change en bien. L'Amérique est en train de redécouvrir son rôle dominant sur toutes les nations. La vérité se rétablit. Voilà le résultat du travail du président Reagan, Harper. Il a dit, voilà la vérité. Proclamons-la fièrement. Et d'une seule voix, le pays lui répond. Nous devenons meilleurs. Bien meilleurs. J'ai besoin de m'y faire une place. J'ai besoin de quelque chose de grand qui me tire vers le haut. Depuis 6 ans, tu comprends, le monde semblait décliner, horrible et sans espoir, fait de problèmes insolubles et de crimes et de désordre et de famine. Tu ne lui trouves rien de changé. Ce serait même pire. Il paraît que la couche d'ozone... Harper, je... Aujourd'hui même, j'ai vu par la fenêtre un flic schizophrène régler la circulation sur Atlantic Avenue avec des gestes... Arrête, j'essaie de t'expliquer vraiment, là. Moi aussi. Mais ce que tu dis n'a pas de sens, là. Je t'explique que le monde... semble comme si... Il te semble comme ça parce que tu ne sors jamais de chez toi, Harper, et que tu as des problèmes psychologiques. Mais si, je sors de chez moi. Non. Tu restes ici enfermé toute la journée à fantasmer sur toi-même. Si, je sors. Tu ne sais rien de ce que je fais. Ah, tu ne restes pas ici toute la journée? Non. Si, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu crois. Et où tu vas? Et toi, où est-ce que tu vas quand tu te promènes? Et je n'ai aucun problème psychologique. Excuse-moi. Et si j'ai des problèmes affectifs, c'est parce que je vis avec toi. Où? Excuse-moi, ma douce, j'ai pas voulu dire... Où alors? Si tu le crois, tu n'aurais jamais dû m'épouser. Et en toi, une part si secrète, avec tant de mensonges. Je veux qu'on reste mariés, Harper. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais jamais dû. T'es mon copain. Hein? C'est toi, mon copain. Bisous de ton copain. J'ai entendu expliquer à la radio comment on suce un homme. Par quoi? Tu veux qu'on essaie? Tu devrais éviter d'écouter des trucs pareils. Il n'est pas interdit au Mormons de sucer. Harper. Joe. C'était une petite dame juive avec l'accent allemand. C'est une bonne période pour moi pour faire un bébé. Thank you. Bonjour. Ah, bonjour. Monsieur le conseiller. Désolé, je connais pas votre nom. Ça me fait rien. Service informatique. Quantité négligeable. Joe Pitt. Je travaille avec le juge Wilson. Oh, je sais. Conseiller Pitt. Premier conseiller. Vous étiez en train de... Ça va ? Ah oui, merci. Comme vous êtes gentil. Moins que vous croyez. Quoi ? Pas aussi gentil que vous croyez. Pas du tout, même. Vous êtes sûr que... La vie est une saloperie. La vie est une vraie saloperie. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai filé mes collants. Pardon ? Non, je n'ai rien dit. Écoutez, merci de vous intéresser. Oh, c'est... Non, c'est vraiment bien d'être venu me parler. Un ami malade. Oh, je suis désolé. Ouf. Trois de vos collègues ont eu droit avant vous à ce spectacle. Et vous êtes le premier à vous intéresser à moi. Les autres se sont contentés d'ouvrir la porte, de me voir et de filer. J'espère qu'ils crevaient d'envie de pisser. Ils ne voulaient pas se mêler de vos affaires. Oh, de sales réganiens macho sans cœur. Non, ne parlez pas comme ça. Vous ne les croyez pas sans cœur et macho, ces avocats réganiens? J'ai voté pour Reagan. Vous avez fait ça? Les deux fois. Les deux fois? Ah ben... Un républicain gay? Je vous demande pardon? Non, rien. Je ne suis pas... Vous êtes républicain ou pas? Bien, est-ce que... Quoi? Quoi? Gay? Non, je ne suis pas gay. Ah. Ah, désolé. Pourtant... Oui? Il arrive qu'en écoutant quelqu'un, rien qu'à sa façon de parler, il soit possible de dire... Je veux dire que vous avez l'air de... Bien, non. Non, non, c'est pas le cas. L'air de quoi? D'un républicain. Vous trouvez que j'ai l'air d'un... De quoi? D'un républicain ou d'un... Et moi? Vous quoi? Est-ce que j'ai l'air de... Je comprends plus. Je m'appelle Louis. Mais tous mes amis disent Louise. Je travaille à l'informatique. Merci pour le papier cul. Je suis prête pour le gros plan, monsieur Demille. On aimerait vivre avec élégance et avec grâce, ne s'épanouir qu'en d'exceptionnelles occasions, telle une inestimable orchidée. Mais on arrive rarement à ses fins, n'est-ce pas? Non. On se fait avoir. Ou pire, on meurt à 30 ans, dépossédé de tant d'années glorieuses. J'ai l'air d'un cadavre. Qui êtes-vous? Et vous? Mais que faites-vous dans mon hallucination? Et si c'était vous qui étiez dans la mienne? Mais... Vous êtes maquillée? Vous aussi. Mais... Vous êtes un homme? Ciel, mes mains et mes pieds m'ont trahi. Je vous reconnais. Vous êtes ce genre d'ami inoffensif qui plaît beaucoup aux femmes qui s'ennuient. Vous êtes seule au point de devoir vous inventer des amis? J'ai des problèmes psychologiques. Je prends des comprimés. Mais pourquoi vous êtes-vous maquillée? Vous n'êtes pas la seule à vous sentir seule. J'avais besoin de me remonter le moral. Alors je suis sortie. Je suis allée au rayon Chanel chez Macy's piquer quelques nouvelles marques de la collection d'automne. Vous les avez volées? C'était un cas d'urgence affective. Joe va être très fâché. Je lui avais promis de ne plus prendre de comprimés. Des comprimés de quelle sorte? Du Valium. Je prends du Valium. Plein de Valium. C'est terrible, je sais. Théoriquement, les mormons n'ont pas le droit de prendre quoi que ce soit. Je suis mormone. Je suis homosexuelle. Les mormons ne croient pas à l'existence des homosexuels. Dans mon église, à moi, on ne croit pas à l'existence des mormons. Je vous trouve amusant. Vous avez du mérite. On ne peut pas demander à une personne très malade d'être amusante. Comment savez-vous ? Bon, j'ai des hallucinations. Alors je peux voir des choses. Vous voyez quelque chose à mon sujet ? Ne me dites pas que j'ai l'air d'être malheureuse. Nous avons parlé du Valium, ce ne serait pas du jeu. Non. Quelque chose de surprenant. Votre mari est homo ? C'est absurde. Vraiment. Illumination subite. Non, vous ne savez rien voir, rien du tout. Joe est le plus normal des hommes. Ah, ah mon Dieu. Est-ce que les PD passent beaucoup de temps à se balader ? Cela nous arrive. En perruque et pantalon moulant de couleur lavande. Je dois y aller maintenant. Dieu, que je suis triste. Je suis désolée. Je dis toujours, la vérité est une saloperie. Elle nous baise toujours. Rien n'échappe à la contamination. Mon cœur ne bat qu'avec du sang pollué. Je me sens sale. Je vois autre chose à votre propos. Une illumination ? En vous. En vous. Profondément. Il y a une part de vous, la part de vous la plus intime, qui est indemne et qui échappe entièrement à la maladie. Lève les yeux. Qui est là ? Ouvre la voix. Je ne vois rien. Lève les yeux, regarde. Ouvre la voix. La projection infinie. Un souffle dans l'espace. Il arrive, il descend. Gloire à... Eh oh ! Laissez croire. Eh oh ! Mais putain ! Pauvre de moi. Pauvre, pauvre de moi. Pourquoi moi ? Oh, je me sens pas bien maintenant. Pas bien du tout. Où étais-tu ? Dehors. Où ça ? Dehors, c'est tout. Je réfléchissais. Il est tard. Mais je devais réfléchir à plein de choses. J'ai laissé brûler le dîner. Ah, pardon. Pas mon dîner. Le mien, ça allait. Le tien. Je l'ai remis au four. Et j'ai tourné les boutons à fond et je l'ai regardé se calciner. C'est encore chaud. Tu le veux ? Pourquoi t'as fait ça ? Je sais, ça ressemble à ce qu'aurait fait une femme au foyer psychologiquement dérangée, sexuellement frustrée et bourrée de pilules. Combien de comprimés ? Une poignée. Ne change pas de sujet. Non, je parlerai pas tant que tu n'es non. pas... Non, ne fais pas ça. Je vais bien. Les comprimés, c'est pas le problème. Je veux savoir où tu étais. Je veux savoir ce qui se passe. Ce qui se passe où ? Dans mon boulot ? Le travail n'a rien à voir. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour décider. Ce n'est pas le travail. J'ai parlé au téléphone avec M. Cohn et il m'a dit de faire vite. Ce n'est pas... Bon, il semble qu'on puisse tirer de toi aucune parole sensée. Donc... Tais-toi ! Tais-toi. Bon. Alors ? Réponds à ce que je te demande. Mais à quoi ? Je ne sais plus... Qu'est-ce que tu veux me demander ? Ben, allez, pose ta question, vas-y, allez. Je ne peux pas. J'ai peur de toi. Mon Dieu, je suis fatiguée, je vais coucher. Dis-le sans que j'aie à te le demander. Je t'en prie. Quand tu reviens le soir, tu as un visage qui est différent de celui que je connais. Je suis saisie par l'air que tu as. Veule et dur. Même ton poids dans le lit la nuit. Ta façon de respirer dans ton sommeil, je ne les reconnais plus. Tu me terrifies. Je te connais. Oui, je suis l'ennemi. C'est clair, ça change pas. Tu crois que tu es le seul à détester faire l'amour? Mais moi aussi, je déteste le faire avec toi. Je suis contente qu'on ne le fasse plus. Je rêve que tu me bats si fort que mes articulations se brisent, comme de la cire, et que j'éclate en morceaux. C'est comme un châtiment. J'ai fait une erreur en t'épousant. J'ai toujours su. Je devine toujours quand tu prends des comprimés. Ton visage devient rouge, tu te mets à suer. Et franchement, la plupart du temps, c'est pour cette raison que j'ai pas envie de... À cause de... Mais quand tu es comme ça, eh bien, tu n'es pas jolie. J'ai une question à te poser. Demande. Mais enfin, mais qu'est-ce que... Est-ce que tu es homo? Oui. Si tu essaies de sortir, maintenant je remets ton dîner dans le four et je pousse le feu à fond. J'en fume et j'asphyxie tout l'immeuble. Alors pour une fois, aide-moi, sinon je le ferai. Et maintenant, réponds à ma question. Si je... Réponds, je t'en prie. On verra ensuite. Non. Je ne le suis pas. Et je vois pas ce que ça change. Les juifs n'ont pas de guide précis sur la vie après la mort. Je leur dis même pas s'il y en a une. Seulement pour nous, ce qui compte, c'est moins le verdict que le jugement en soi. Raison pour laquelle je n'aurais jamais pu être un homme de loi. Au tribunal, tout en revient au verdict. Tu n'aurais jamais pu être un homme de loi parce que tu es trop sexuel. Trop distrait. Non, pas distrait. Abstrait. J'essaie de t'expliquer quelque chose. Plus précisément ? L'important, c'est ce que fait le juge dans son cabinet de travail. Avec ses dossiers, qui évalue les preuves. Et réexamine tout sans cesse en fonction des critères. Le bien, le mal, l'innocence, la culpabilité. Le juge en train d'hésiter. Pas de trancher du haut de son banc. La mise en question de la loi. Pas son exécution. Ce que tu veux m'expliquer, chérie, c'est quoi ? Ce qui devrait compter au final... C'est moins un prétendu visa contenu dans un verdict pour le salut ou la damnation que l'évaluation globale d'une vie, dans toute sa complexité, toute sa richesse. Avec ces éléments infiniment variés qu'il faudrait mettre sur les plateaux de la balance. Ça me plaît bien. C'est très zen. C'est rassurant car ça n'engage à rien et ça n'avance pas à grand chose. Ceux qui sont prêts à mourir te disent merci. Tu n'es pas prêt à mourir. Je me sens pas très bien. Vraiment. De nouvelles lésions. Ma jambe me fait souffrir. J'ai de la protéine dans l'urine, m'a dit le docteur, sans pouvoir préciser ce que présage cette saleté. Une chose est sûre, la protéine ne devrait pas y être. Mon cul est gercé à cause de la diarrhée et hier j'ai chié du sang. Non, je n'aime pas ça du tout. D'habitude, tu ne dis rien. C'est plus simple. Tu es tellement bouleversé que c'est moi qui finis par te consoler. Merci quand même. Si ça devient grave, je te le dirai. Mais c'est grave de chier du sang. Je t'en ai parlé. Je ne me suis pas effondré. Parle-moi encore de la justice. Je sais me tenir. Louis, le champion du mois. Je retire. Tu n'es pas le champion du mois, et non. Parle-moi encore de la justice. Tu vas pas mourir. La justice ? C'est une immensité confuse où l'on se perd. La justice, c'est Dieu. Par ailleurs. Tu m'aimes ? Oui. Et si je t'ai quitté ? De suite. Tu me haïrais pour toujours ? Oui. On devrait prier. Demander à Dieu de nous venir en aide. Le lui demander ensemble. Dieu ne voudra rien me dire. Je dois inventer des gens pour qu'on parle avec moi. Demande-lui, quand même. J'ai oublié quoi ? Ah, oui. Dieu, est-ce que mon mari est... Arrête ! Arrête avec ça, je te préviens. Est-ce que ça change quelque chose, hein? Que faire si elle me part de moi, très profonde, qui est... C'est comme ça, hein? Mauvaise ou laide du moment que je me suis battue de toutes mes forces pour la tuer. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Harper. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Dieu m'aide, moi, je ne peux plus rien faire. Je suis comme une coquille vide, il n'y a plus rien à tuer. Alors, tant que je me conduis comme je le dois, de manière décente, correcte, ça suffit au regard de Dieu. Non, pas ça. Ça, c'est ce qu'on apprend au mormon de l'Utah. Je déteste ça. Joe, dis-le. Raconte. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis quelqu'un de bien, qui a travaillé dur pour le devenir. Et tu veux détruire ça. Tu veux me détruire. Mais je te laisserai pas faire. Je vais avoir un bébé. Menteuse. C'est toi le menteur. Un bébé qui va naître addict au Valium, qui a des hallucinations à la place des rêves, qui ouvre de grands yeux candides sur nous et ne sait pas qui nous sommes. Es-tu vraiment? Non. Ouais. Non. Oui. Ne t'approche pas! Maintenant, nous avons chacun notre secret. Un de mes ancêtres commandait un bateau qui faisait commerce d'huile de baleine qu'il allait vendre en Europe. Et au retour, il faisait le plein d'immigrants. Surtout des Irlandais qu'il entassait et emmenait contre beaucoup de dollars. Un jour, au large de la Nouvelle-Écosse, le bateau a sombré. Et mon ancêtre a coulé avec le navire, le grand style. Les marins ont pu mettre à la mer un seul bateau de sauvetage, chargé de 70 femmes et enfants. Quand la mer est devenue trop mauvaise, la chaloupe étant menacée de sombrer elle aussi à cause de la surcharge, les marins ont jeté à la mer le nombre de passagers nécessaires. Et chaque fois que la barque s'enfonçait un peu, un marin empoignait le passager le plus proche et le balançait par-dessus bord. À l'arrivée, il n'en restait plus que 9. Je pense beaucoup à cette histoire maintenant. Nous attendons, terrorisés, dans un bateau, pendant que des hommes puissants et sans pitié s'emparent de la personne qui est près de soi, de toi peut-être, et sans prévenir, avec juste le temps de prendre une inspiration, te balancent dans un tourbillon d'eau sombre, salée, glacée. J'aime bien ta cosmologie, chérie. Comme mes jours sont comptés, je suis attirée par tout ce qui est incertain, par ce qui n'a pas de fin. Bien que ce soit comme si on en sortait impuni. Que veux-tu dire? Sans fin, sans verdict, on ne peut être ni responsable ni coupable. Tu dis ça pour moi? Pour personne en particulier. Ça vaut pour tout le monde. Je t'en prie, ne sois plus malade. Novembre 1985. Personne n'en connaît l'origine. Et personne ne sait le soigner. La théorie la plus sérieuse parle d'un rétrovirus, le HIV. Sa présence se signale par la production d'anticorps inopérants en réaction à son introduction dans le sang par une coupure ou par un orifice. Ces anticorps sont impuissants à protéger l'organisme contre le virus. Pourquoi ? On ne le sait pas. Le système de défense immunitaire cesse de fonctionner. Le corps devient alors le lieu d'une multitude d'infections microbiennes. Le sarcome de Kaposi, des lésions ou un problème de gorge, ou les ganglions. On pense qu'il y a aussi une pénétration possible dans le cerveau, au-delà de la barrière méningée, ce qui est bien entendu très mauvais. On ne sait encore dans quel pourcentage chez les gens sans défense immunitaire, mais ce virus est mortel. Ta putain d'histoire est passionnante, monsieur le sorcier. Et pourquoi tu me racontes ça? Eh bien, Je viens de faire un prélèvement sur une des trois lésions, dont l'analyse dira très certainement qu'il s'agit d'un sarcome de Kaposi. Autre signe, tu as les ganglions de laine et sous les aisselles très gonflés. Tu as aussi une candidose dans la bouche et encore plus nettement une mycose, sous deux ongles de la main droite. Donc je te parle de... Cette maladie... Ce syndrome... Si tu veux, elle frappe surtout les homosexuels et les drogués. Surtout, oui. Les hémophiles également. Les homosexuels et les drogués. Alors, en quoi ça me... Qu'est-ce que tu vas supposer? Tu me soupçonnes d'être un drogué, Henry? Tu as trouvé des traces de piqûres? C'est idiot. Dis-le. Dire quoi? Dis, Roy Cohn, tu es un... Roy. Tu es un... Allez, pas Roy Cohn, tu es un drogué. Roy Marcus Cohn, tu es un... Allez! Henry, ça commence par un H. Écoute, je ne vais pas... Avec un H, Henry. Et c'est pas non plus hémophile. Allez. Pourquoi tout ça, Roy? Non, non, dis-le. Dis, Roy Cohn, tu es un homosexuel. Et je ferai tout ensuite, Henry, pour détruire ta réputation, pour briser ta carrière et pour t'empêcher d'exercer dans tout l'État de New York. Et tu sais que j'en suis capable. Roy, tu viens me voir depuis 1958. À part les liftings, je t'ai soigné pour tout, pour la syphilis... Ça venait d'une pute à Dallas. Pour la syphilis et les abcès vénériens, dans le rectum. Ça provenait peut-être d'une prostituée à Dallas, mais ce n'était pas une prostituée femelle. Alors dis-le. Roy Cohn, tu es... Tu as eu des relations sexuelles avec des hommes très très souvent, Roy. Et un de ceux-là, ou plusieurs d'entre eux, t'ont transmis cette maladie. Tu as le sida. Le sida? Tu vois, Henry, le problème que t'as, c'est que tu t'attaches trop aux mots, aux étiquettes. Tu crois qu'il dit ce qu'il semble vouloir dire. Sida, homosexuel, gay, lesbienne. Tu crois que ces mots indiquent automatiquement avec qui les gens couchent, mais ils ne disent pas ça. Non? Non. Comme toutes les étiquettes, ça dit une chose, mais une seulement. La place et la fonction de chacun dans la chaîne alimentaire, dans le jeu de qui peut piquer la bouffe à l'autre. Ce n'est pas une affaire d'idéologie ou de préférence sexuelle, mais plus simplement de pouvoir, de poids qu'on a dans la société. La question n'est pas qui je baise ou qui me baise, mais qui j'appelle au téléphone et qui me doit ses faveurs. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas ça, je suis un homosexuel pour la seule raison que je couche avec des hommes. Et c'est une erreur totale. Les homosexuels ne sont pas des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Les homosexuels sont des hommes qui, en 15 ans de procédure contre la municipalité, n'ont même pas été capables d'obtenir la suppression des lois discriminatoires. Les homosexuels sont des hommes qui ne connaissent personne et que personne ne connaît, qui n'ont aucun pouvoir. Zéro. Tu crois que je peux être ça? Non. Non. Du pouvoir, j'en ai. Beaucoup. Je peux décrocher ce téléphone, faire une quinzaine de numéros, et tu sais qui répondra pour finir dans même pas 5 minutes, Henry? Le président. Mieux que ça, Henry. Sa femme. Tu m'impressionneras toujours. Je ne cherche pas à t'impressionner, je veux que tu comprennes. Ce n'est pas un sophisme, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la réalité. Je fais l'amour avec des hommes. Mais ce qui serait vrai pour n'importe qui ne l'est pas pour moi. Moi, ce qui me distingue des autres, c'est que l'homme que je baise, je l'emmène à la Maison Blanche et le président Reagan nous fait un beau sourire et nous serre la main. Parce que ce que je suis est entièrement contenu par qui je suis. Roy Cohn n'est pas un homosexuel. Roy Cohn est un hétérosexuel qui s'éclate avec des mecs. Très bien, Roy. Quel est donc ton diagnostic, Henry? Tu as le sida, Roy. Non, non, Henry. Le sida est réservé aux homosexuels. J'ai un cancer du foie. Peu importe ce que tu as, Roy, mais c'est très grave. Et je n'ai pas le moindre truc à te donner pour te soigner. On expérimente un médicament à l'hôpital de Bethesda. Mais il y a une liste d'attente de 2 ans. Alors, prends ton téléphone, Roy, et demande à la Première Dame d'Amérique de te faire inscrire pour expérimenter ce nouveau médicament contre le cancer du foie. Parce que, Roy... Appelle ça comme tu voudras, mais ça ne changera rien. C'est une très mauvaise nouvelle. Hmm. décembre 1985. Quelque chose d'horrible. Je peux pas respirer. J'appelle une ambulance. Non, attends. Attends. Mais t'es fou. Oh mon Dieu, mais t'es tout brûlant. Oh, ta tête est brûlante. J'ai mal. J'appelle une ambulance. Non, je veux pas aller à l'hôpital. Je t'en supplie. Laisse-moi ici le temps de... Non. Non, bon Dieu, Prior, lève-toi. Non, ne me touche pas la jambe. Non, bon... Mon Dieu, mais c'est fou! Ça ira si je reste allongée là, Lou. Vraiment. Si je peux seulement dormir un peu. Louis! Non! Non! T'appelles pas! Ils viendront me chercher et je ne reviendrai plus! Je t'en prie! Je t'en supplie! Chérie, s'il te plaît! Louis! Je me perds! Je dois aller aux toilettes. Attends que... Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Son radin. Pardon? Pardon? C'est du sang. Peut-être tu devrais pas le toucher. Moi je. Au secours! Au secours! Mon Dieu, je peux pas! Pourquoi tu restes dans l'obscurité? Allume. Non. J'ai encore entendu des bruits dans notre chambre. Il y avait quelqu'un, je le sais. Non, il n'y avait personne. Il est peut-être encore dans le lit. Sous les couvertures avec un couteau. Joe, je crois que je vais m'en aller. Non, s'il te plaît, reste. Ça peut s'arranger, je prie pour ça. C'est ma faute, mais je peux changer. Et c'est essayer, toi aussi. Quand tu pries, tu pries pour quoi? Je prie pour que Dieu m'écrase et me fasse éclater en mille morceaux et que tout recommence à zéro. Oh non. Ne demande pas ça. Quand j'étais gosse, j'avais un livre qui racontait les histoires de la Bible. Et il y a une image que j'ai regardée 20 fois par jour. La lutte de Jacob avec l'ange. Je sais plus très bien pourquoi ils se battaient ni ce qu'il se passait, mais sur l'image, Jacob était jeune et très fort. L'ange était un homme très beau, avec une chevelure dorée et des ailes, évidemment. J'en rêve encore la nuit. Comment un homme serait-il capable de le vaincre? Et que signifie cette lutte? Je t'aime terriblement. Terriblement. C'est ce qui est radicalement, épouvantablement réel. Je peux tout inventer. Je ne peux pas le rêver. Est-ce que tu vas vraiment avoir un bébé? Ben, c'est le moment et pourtant je n'ai pas mes règles. Je sais pas. Ça doit venir de ces pilules que je prends. Je suis peut-être enceinte d'une pilule. Il me semble que tu dois aller à Washington. tout seul. Pour changer de vie, comme tu dis. Non, je te quitterai pas, Harper. Peut-être. C'est moi qui vais te quitter. Il ira bien maintenant. Non, il ne va pas aller bien. Non. Sans doute que non. Je lui ai donné quelque chose pour le faire dormir. Un sommeil profond. En orbite, autour des lunes de Jupiter. Ah, sympa comme endroit. Mieux qu'ici, en tout cas. Vous êtes son... Oui, je suis son... Vous devez vivre un enfer. Celui-là est du genre à nous briser le cœur, à nous tous. Il a l'air d'un garçon bien. Mignon comme tout. Oui, il l'est. Il l'était. C'est comme ça. Étrange ce nom. Prior Walter. Prior pour dire premier. Le premier Walter de la création. Des Walters, il y en a eu plein avant lui. C'est le nom d'une très ancienne famille qui remonte au Mayflower et même avant. Aux premières années de la fondation de l'Amérique. Aux conquêtes normandes. Il dit qu'il y a un Prior Walter qui figure dans la tapisserie de Bayeux. Et ça compte, ça? C'est vieux, très vieux, ce qui, pour certains, a beaucoup d'importance. Pas pour moi. Il va dormir toute la nuit? Au moins. Je m'en vais. Où devez-vous aller à 2h du matin? Faire un tour. L'air de la nuit, c'est bon pour... Dans le parc. Soyez prudent. S'il se réveille et si vous êtes là pour lui dire au revoir, dites-lui qu'il a fallu que je parte. Elle a commencé à prendre ses pilules après sa fausse couche. Oh, non, non. Non, elle en prenait déjà avant. Elle a eu une enfance vraiment difficile chez elle, c'était vraiment dur. Plein de choses. Une famille où on buvait avec des coups, des mauvais traitements. Elle en parle jamais. Elle préfère blablater sur le ciel qui va nous tomber sur la tête ou sur des gens cachés sous des fauteuils avec des couteaux. Des monstres. On s'attend pas à ce qu'une famille pareille soit mormone. Chez nous, tout le monde travaille dur pour rester fidèle aux préceptes de Dieu qui sont très... sévères. Je vous ennuie avec ça? Non, pas du tout. On se parle à cœur ouvert. Tu veux une autre? C'est quoi ce que tu bois? De la limonade? Mais durer à quel point on a pu échouer quelque chose qui fait très mal. Quand on a toujours essayé d'être quelqu'un de bien, on a le sentiment de tomber de très haut. Ce qui me fait le plus peur, c'est sans doute que je l'aime pour ce qu'elle a de plus étranger à la lumière, à l'amour de Dieu. Pourquoi tu en as besoin? Je sais que je l'ai poussée parce qu'elle... parce que j'aimais qu'elle fasse tout faux. Qu'elle ne fasse que des erreurs, toujours tout de travers. Moi, j'étais dans la règle. Enfin, vu de l'extérieur, parce qu'en moi... En moi, c'était dur. De faire semblant. Faire semblant? Oui. Parce que toi, tu as des secrets, des conflits, intimes, secrets... Je voulais faire partie des élus, des bienheureux. Si Harper souffre tant, si profondément, elle l'a pas choisi et pourtant c'est ainsi. Tu n'en es pas la cause? Non. Elle est peut-être ta femme et tu as des devoirs envers elle, mais tu en as aussi envers toi-même. Mais elle va pas tenir le coup à Washington. Alors laisse-la ici. Mais elle va pas tenir le coup si je la quitte. Alors prends-la avec toi à Washington. Mais je peux pas, Roy. Elle a besoin de moi. Écoute, Joe. Je suis le meilleur avocat en matière de divorce. Mais Washington, ça peut pas attendre. Fais ce que tu crois devoir faire. Fais ce qui est le meilleur pour toi. Et laisse-la vivre sa vie. C'est dans votre intérêt, à tous les deux. Tu veux quoi? Encule-moi. Fais-moi malin, fais-moi saigner. D'accord. Oui? Je veux te faire mal. Baise-moi. Oui? À fond. Oui? T'es un vilain garçon? Vilain. Très vilain. T'as besoin d'être puni. Oui. Wiki. Wiki. Oui, maître. Allons chez toi. Non, non, je peux pas. Non. Qui? Non, maître. Je peux pas, je vis pas seul. Ton mec sait que tu dragues un homme ce soir? Non, maître. Il... Mon mec ne le sait pas. On peut aller chez toi? Je vis chez mes parents. Tous ceux qui réussissent dans ce monde réussissent parce que quelqu'un de plus âgé, qui a plus de pouvoir, s'intéresse à eux. La capacité la plus précieuse qu'on puisse avoir est celle d'être un bon fils. Tu as ça, Joe. Tu es capable d'être un bon fils pour un père qui te poussera à te dépasser. J'ai eu plusieurs pères, des hommes puissants, très puissants, à qui je dois d'être devenu tout ce que je suis. Joe McCarthy a été le principal. Il m'accordait son estime parce que j'étais un bon avocat, mais il m'aimait parce que j'étais ce que j'étais et ce que je suis toujours, un bon fils. C'était un homme pas commode, très prudent et méfiant. Je lui ai révélé qu'il pouvait aussi être tendre. Il aurait donné sa vie pour moi et moi pour lui. Ça te paraît curieux ? Mon père a été très dur avec moi. Ce sont des choses qui arrivent. Alors il faut que tu te trouves d'autres pères, des substituts. Je sais pas. La relation père-fils est au cœur de la vie. Les femmes sont là pour nous mettre au monde, mais les pères, c'est pour toute la suite. Le fils fait don de sa vie à son père comme d'un vaisseau chargé de porter plus loin et plus haut le rêve paternel. Ton père vit encore? Non, il est mort. C'était un homme difficile. Un militaire. Il pouvait être très injuste et très froid. Mais il t'aimait. Ça, je sais pas. Non, non, Jojo, il t'aimait, je le sais. Parfois, l'amour paternel peut paraître très dur, injuste même, froid. Mais c'est pour rendre plus fort son fils dans un monde hostile comme le nôtre. Oh, Dieu. Eh non, ici. T'as une capote? Je mets pas de capote. Tu devrais. Tiens. J'en mets pas. Alors salut. Non, attends. Allez. Mets-la moi. Non, allez, salut. Je dois rentrer chez moi. Je suis en train de devenir cinglé, là. Si, allez, il le saura pas. Mais il fait froid, trop froid. Mais faut pas dire ça, je vais te réchauffer. D'accord. Allez. Détends-toi. Ça m'étonnerait que j'y arrive. La capote. Tu veux que je sorte? Non. Non, continue. Contamine-moi, je m'en fous, je m'en fous. Ah, ouais. Écoute. Désolé, mais je crois que je vais pas continuer. Ouais. Salut pour moi, papa et maman. Oh, je plaisantais. On se connaît depuis quand? 1980. 5 ans. Ça fait un bail. Je me sens très proche de toi, Joe. Est-ce que je t'ai donné de bons conseils? Vous avez été un ami extraordinaire. Je veux être une famille à moi seul pour toi, Joe. La familia, comme disent nos amis italiens, la familia. Un mot bien beau. Je vous dois presque tout, Roy. Je vais mourir, Joe. Cancer. Oh mon Dieu. Attends, laisse-moi finir. Très peu de gens le savent et je te le dis à toi seulement. J'ai pas peur de la mort. Qu'est-ce que la mort pourrait bien avoir que j'ai pas déjà affronté? J'ai vécu. Vivre, c'est la pire des choses. Je suis devenu philosophe, Joe. Accepte. Tu le dois. Tu le dois. Tu le dois. Aimer, c'est un piège. Être responsable, c'est un autre piège. Je te parle comme un père à son fils. La vie est un concentré d'horreur. Personne n'est indemne. Personne. Sauve-toi. Quelles que soient les charges, les exigences, les menaces, n'aie pas peur. Les gens passent leur vie à avoir peur. N'aie pas peur de vivre dans les vents cinglants, nu, seul. Apprends de quoi tu es capable. Ne te laisse pas barrer la route. Fais-toi voir. Oh, t'as une mine de merde. T'as vraiment un look of shit. Thank you. Désespère pas, ma reine. Vis ça. Crème magique. Boah, c'est quoi cette saleté? Mystère. On va oindre ton pauvre corps meurtri avec et voir le résultat. C'est pas très catholique, hein. Rien qu'à voir ces flacons. Crème vaudou, de chez le botaniste du coin. Moi qui te croyais infirmier diplômé. Cire d'abeille et parfum bon marché coupé avec de l'eau de Cologne, un onguent et les invocations d'une sorcière noire cubaine de Miami. Vire-moi cette saleté, j'ai pas de défense immunitaire. Je fais partie du personnel médical, je sais ce que je fais. Ça pue. Toujours rien de Louis? Parti. Il reviendra. Je connais le genre. Il doit adorer qu'une fille se ronge les seins pour lui. Ça fait... Combien de temps? Je sais plus. Tu es ici depuis combien de temps? Je m'en souviens pas, je m'en fous. Je veux Louis. Je veux mon putain de mec. Mais où est-ce qu'il est passé, putain? Je vais mourir. Où est Louis? Chut. Étrange. Très étrange, cette drogue qu'on me donne. Ça commence par détraquer les nerfs. Réserve-moi une dose ou deux. Ah non. C'est une substance chimique réellement toxique, my poor puppy. Elle ne fait pas que m'esquinter les nerfs. J'entends des choses. Des voix. Des voix. Une voix. Et qui dit quoi? Je dois pas le répéter. Tu ferais bien d'en parler au médecin. Sinon, c'est moi qui le ferai. Ah non, je t'en prie. Cette voix, je la veux. C'est merveilleux. C'est ce qui me rattache à la vie. Quand je l'entends, je bande. Eh ben, dis donc. Comme ça. Hein. Et tu te souviens que je suis pas rapide. La mâchoire se crispe de douleur à cette évocation. Et tu voudrais me priver de cette petite consolation en allant dénoncer ma concupiscence aux troupes d'assaut en blouse blanche? Ton érection et toi, vous pouvez compter sur moi. Je t'adore. My beautiful negro. Et toutes ces mignonneries de pédétravelot ne sont pas politiquement correctes, tu sais. Je suis malade. Je peux être politiquement incorrect si ça me soulage un peu. Tu parles comme Louis. Au moins, je peux me dire qu'il doit être mort d'angoisse dans un coin. Il avait une manière de s'angoisser que j'adorais. Toujours à se torturer, à se morfondre pour le moindre petit problème de conscience. Quel spectacle. Pourtant, ma mère m'avait prévenu. Si quelqu'un se laisse déborder par les problèmes de détail... Il sera ratissé à la première occasion sérieuse. Maman me l'avait dit. Et il recommence toujours. Mais je ne l'ai pas écouté. Non. Les hommes sont des bêtes. De la pire espèce. faut que j'y aille. Si je veux passer le restant de ma vie solitaire à soigner de pauvres blancs, je dois penser à gagner ma croûte. Comme un martyr des premiers chrétiens. Quoi qu'il arrive, bébé, je serai toujours là pour toi. I love you. I love you. Et ne deviens pas folle, chérie. J'ai déjà trop donné. Et même deux fois trop. Je n'ai plus le temps de m'occuper des démons. Juré. Ouch. Ouch, comme tu dis. Pourquoi c'est à toi qu'on fait du mal? Et mange, chérie. Mange, parce que t'as vraiment une gueule de merde. Il est parti. Est-ce que vous êtes encore... Je ne peux pas rester. Je reviendrai. Et dans un instant, vous allez m'inviter à vous suivre au paradis? Non. Je ne viens pas en oiseau de malheur. Je suis un messager. Votre voix est belle. Elle résonne comme une viole. Comme un instrument parfaitement accordé qui vibre d'un timbre pur. Restez avec moi. Pas maintenant. Je reviendrai bientôt et je vous apparaîtrai. Dans toute la gloire de mon cœur, de mon allure et de mon message. Vous devez vous préparer. À quoi? Je ne veux pas. Pas à la mort, non. À une tâche merveilleuse que nous devrons accomplir. À un prodige. À remettre debout un édifice mal conçu. À abolir un grand mensonge. À corriger une formidable erreur en usant de tous les attributs et de toutes les armes de la vérité. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tout est déjà commencé. Quand je reviendrai, nous entreprendrons notre travail. Préparez-vous au partage du ciel, le souffle, l'ascension. Gloire à... C'était une révolution à Washington. Nous avons enfin un programme vraiment nouveau et un vrai leader. Même si les démocrates tiennent au Sénat, nous, nous tenons les juges. Nous resterons à la Maison-Blanche au moins jusqu'à l'an 2000. Et au-delà, on occupera le bureau ovale jusqu'à perpète. C'est vraiment l'éradication du New Deal. C'est la fin du socialisme à la Roosevelt. Et la fin de l'humanisme laïque qui en découlait, ipso facto. Au profit d'une nouvelle politique authentiquement américaine. Sur le modèle de Ronald Reagan. C'est formidable, monsieur Lair. Appelez-moi Martin. Et l'axe de tout, c'est le ministère de la Justice. Surtout depuis qu'il a été repris en main par Ed Meese. En voilà un qui ne se noie pas dans les finasseries juridiques. C'est un primaire, un flic. Oh, ta gueule, Martin. Monsieur Heller, te voici, fait partie du gratin, Joseph. À Washington, D.C., il a sa place à la droite de l'homme qui lui-même est assis à la droite du chef. Et pourtant, tu vois, il suffit que je lui dise ta gueule pour qu'il accuse le coup. Martin. Oui, Roy. Masse-moi le dos. Je... Non, j'ai vraiment un point de douleur. J'en ai constamment maintenant. Ah. Masse-moi, mon chéri. Tu veux faire ça pour moi? Nous sommes des camarades. Sans cette solidarité, comment crois-tu qu'une poignée de bolcheviques aurait pu transformer Saint-Pétersbourg en Leningrad en moins d'une après-midi? Hein, Martin? Cet homme, Joe, est un saint de la droite américaine. Je le sais, monsieur Lair. Alors, Martin, qu'est-ce que je te disais? Tu vois, il n'est pas comme les autres. Tu veux le mettre mal à l'aise? Sérieux, distinction, intelligence, il en vaut 10 parce qu'il a un cœur pur. Ajoute qu'il est un Roy Boy à 100%. On est dans le bon courant, Joe. Monsieur Allergé. Nous ne pouvons pas attendre votre réponse plus longtemps. Joe est marié, Martin. Il a une femme qui ne trouve pas intéressant d'aller vivre à Washington. Alors Joe ne peut pas y aller. Et il nous fait attendre. Je peux pas réellement avoir une vraie conversation là-dessus. Alors dites-moi tout de suite. Maintenant, je retiens ma respiration jusqu'à ce que tu l'aies dit. Je deviens tout bleu, là, maintenant. Sacré... Ah, putain. Lee. Je l'ai reçu ce matin. Roy. Roy, c'est terrible. Tu l'as dit. Une lettre du barreau des avocats, Martin. Ils sont en train d'essayer de me radier. Et pourquoi? Pourquoi, Martin ? Leur vengeance. C'est tout le système avec ses petites règles qui est derrière. Pour moi, il n'y a pas de règles. Pour moi, je prends pas la loi pour un ensemble de dictons antiques et arbitraires. Tu fais ci, tu fais ça. Parce que pour moi, la loi est un organe malléable, vivant, qui respire, qui sue. Parce qu'il a emprunté un demi-million de dollars à un de ses clients. Oui, ça en fait partie. Et il a oublié de les lui rendre. Roy, c'est... Vous avez emprunté de l'argent à un client ? J'en ai profondément honte. Roy, vous savez combien je vous admire. Et même si je sais que parfois vous utilisez des procédés pas très orthodoxes, je suis certain que vous avez agi comme vous avez cru bon de le faire. Et je suis persuadé que... Arrête ce mélo. Je nierai que c'était un prêt. Elle n'a aucune trace écrite, elle ne peut rien prouver du tout. Roy, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Je vais te dire ce que tu peux faire. Je suis sur le point d'être jugé, Joe, par un jury qui n'est pas composé de véritables confrères, mais qui se veut un véritable conseil de discipline, avec rien que des avocats du gratin, soi-disant raffinés, soi-disant distingués, issus de la grande bourgeoisie de la Nouvelle-Angleterre ou des membres du Country Club. Je suis une offense pour ces gens-là, hein, Martin ? Une espèce de petit farfadet juif répugnant. C'est un peu exagéré, mais... Même pas. Un ami bien placé, quelqu'un au ministère de la justice pourrait ordonner, disons, une éclipse. Ce qui jetterait une ombre profonde sur tout ce que j'ai fait et les autres se mettraient à trembler de peur. Je comprends pas bien. Si. Vous me demandez pas de... Chut, chut, chut. Pas si fort. Même si j'acceptais ce poste... Ce serait illégal d'intervenir, il y a une procédure, ce serait contraire à l'éthique. Non, je peux pas. Contraire à l'éthique ? Va faire un tour, Martin. Pour de vrai. Contraire à l'éthique ? T'as cherché à m'humilier devant mon ami ? Mais c'est contraire à l'éthique, je n'y peux rien. Je vais te dire ce que c'est. Ce sont des aigreurs gastriques, enzymes et acides. Ça remonte de l'intestin, ça vient du transit intestinal et de la viande rouge. Ça pue. C'est ce qu'on appelle de la politique, Joe. L'art de rester en vie. Et toi, tu te crois quoi ? Supérieur ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que la vie ? La mort, au ciel. Mais t'es sur terre, bon Dieu. Pose les pieds sur ce plancher. Sois avec nous. Je suis malade. Ils sentent que je m'affaiblis. Ils organisent la curée. Je dois avoir un regard qui m'est acquis à l'intérieur de la justice. À la justice, tu pourras me protéger. Mais pourquoi pas Monsieur Heller ? Monsieur Heller fait partie de l'administration centrale et l'administration centrale ne peut pas s'en mêler. Mais j'en fais partie moi aussi, comme lui. Pas comme lui. Martin est un des hommes d'Ed et Ed est un homme de Reagan. Donc Martin est un homme de Reagan et toi, de moi. Ça doit pas se produire. Je resterai avocat, Joseph. Je resterai un de ces enfoirés d'avocats inscrits au barreau, comme l'était mon papa. Jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à ma mort. Ah ben voilà, Martin. Alors, on est d'accord ? Je vais y réfléchir. On a toujours peur des conséquences. C'est ce qui rend l'acte difficile. Amen. Mais on peut presque toujours très bien s'accommoder des conséquences. Oui, bien sûr. Bien sûr. Incroyable, hein ? Ce soleil d'hiver. Il faut en profiter. Comment va votre ami ? Bon. Ah. Plus mal. Mon ami va plus mal. Je suis désolé. Ouais. Merci de penser à me le demander, c'est gentil. Vous êtes gentil, hein. Je peux pas comprendre que vous votiez pour Reagan. J'espère qu'il va aller mieux. Reagan ? Votre ami. Il n'ira pas mieux et Reagan non plus. Ne parlons pas de politique, d'accord ? Tous, tant que nous sommes, nous avons été roulés. Elle a voulu nous faire croire que la réussite individuelle supplée tout, qu'on peut vivre sans amour. Visiblement, vous... Tout ce que vous pensez, vous le dites. Sans prendre le temps de réfléchir, sans avoir des regrets, sans souci de morale, vous faites ce que vous avez envie de faire. Je revendique un pays de liberté. Patrie des hommes courageux. Et d'être tenu pour irresponsable. Hier, c'était dimanche. Je suis assez distrait ces temps-ci, alors j'ai cru qu'on était lundi. Et je suis venu ici, comme si c'était un jour de travail. Tout l'endroit était vide. Je commençais par ne pas comprendre pourquoi, alors j'ai eu un moment de... Une vraie terreur. Croyant que tout le palais de justice avait été vidé, déserté, qu'on l'avait fermé à jamais. Que tous les employés en avaient eu assez et qu'ils avaient fui. J'ai du mal à y entrer maintenant. N'y allez pas. Je peux pas, j'ai besoin de... Je peux plus être comme ça, j'ai besoin que ça change. Je devrais commencer par... Parfois, même si on est mort de peur, faut savoir oser transgresser la loi. Vous comprenez ? Ouais. Ouais. Je viens de déménager. Je dors pas bien. Moi non plus. Vous aviez un peu de moustache. Une trace de votre machin contre l'acidité. Peut-être que le tribunal ne siégera plus. Plus jamais. Peut-être que nous sommes libres. De faire ce que nous voulons. Enfants d'une nouvelle ère. De petits criminels. Égoïstes et cupides. Et sans cœur et aveugles. Les enfants de Reagan. Vous avez peur, moi aussi. Comme tout le monde au pays de la liberté. Que Dieu nous aide. Allô ? Maman ? Joe ? Oui ? Tu es dans la rue ? Tu m'appelles d'une cabine ? Bon, il est au moins 4 heures du matin, que se passe-t-il ? Rien, je... C'est Harper ? C'est Harper. Joe ? Joe ? Oui, je suis là, maman. Non. Non, Harper va bien. Enfin, non. Non, elle ne va pas bien. Et toi, maman, ça va ? Que se passe-t-il ? Je voulais simplement te parler. J'ai quelque chose de pas facile à te dire. Joe, j'espère que tu n'as pas bu. Joe. Si, maman, j'ai bu. Ça n'est pas ton genre ? Non. Enfin, je sais pas. Et que fais-tu dans les rues à 4 heures du matin dans cette ville de fous ? C'est dangereux. En réalité, je ne suis pas dans la rue, maman. Je suis près du hangar à bateaux dans le parc. Quel parc ? Central Park. Central Park ? Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que tu peux bien faire à Central Park à 7 heures de la nuit ? Es-tu... Joe, j'estime que tu dois rentrer chez toi. Immédiatement. Rappelle-moi en arrivant. Je viens ici pour regarder, maman. De temps en temps, pour regarder. Me regarder quoi ? Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir à regarder à 4 heures du matin ? Maman, est-ce que papa m'a aimé ? Quoi ? Est-ce qu'il m'a aimé ? Non, allez, rentre et rappelle-moi quand tu es arrivé chez toi. Non, réponds-moi. Non, ce sont des pleurnicheries d'ivrogne, je n'aime pas cette conversation. Oui, bon ben, j'aimerais encore moins la suite alors. Joe ? Maman... Je suis homosexuel, maman. Je suis homosexuel. Allez, je t'en prie, maman, dis quelque chose, s'il te plaît. Tu es assez grand pour comprendre que ton père ne t'aimait pas sans avoir besoin de te conduire de façon ridicule. Quoi ? Rentre chez toi maintenant. Ta femme t'attend. Je dois me recoucher. Ce coup de fil. Oublions que tu m'as appelé. Maman. Tu as assez parlé. Boire est un péché. Un péché. Ça ne va pas avec l'éducation que je t'ai donnée. Hein, te voilà. Tu rentres. L'heure de vérité a sonné. Non, Harper. Harper, je t'aime toujours beaucoup. Tu seras toujours ma meilleure amie. Je te quitterai pas. Non, je n'aime pas ce qui se passe. Je m'en vais. Je suis en train de déménager. Quel salaud. Je m'en vais. C'est déjà fait. Écoute-moi, s'il te plaît, reste. Même si c'est dur, il faut qu'on parle. Mais on parle, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Maintenant, tu la fermes, ok? Tu n'es pas enceinte. J'ai appelé ton gynéco. J'en vois un autre. Ordure. Te tailler en douce pendant que je suis rétamée ici, c'est minable. Si je pouvais me lever, je t'écraserais comme une merde. T'as pas le droit de faire ça. C'est criminel. Alors, écoute bien. Tu veux la vérité. La voici. Je le savais quand je t'ai épousée. J'imagine que je l'ai toujours su depuis que je suis en âge de le savoir, mais je devais penser qu'en faisant des efforts, à force de volonté, je pourrais changer, mais je peux pas. Je m'enterre ici. Alors je sors. Tu veux savoir où je vais me balader? Je vais dans le parc, ou dans la 53e rue, ou dans les endroits où... En me disant toujours que c'est la dernière fois, mais je recommence. J'essaie de retenir mon élan, de le nouer, j'essaie de... De tuer la vie en moi en vivant comme un mort, tout engourdi. Mais je rencontre quelqu'un que je désire et c'est comme un clou. Un fer rouge qui me brûle la poitrine et je sais que je suis perdu. Tout ce qui a été ma vie m'a fait tel que je suis. Je peux pas renier toute ma vie. Je te désire pas, Harper. Je crois que je t'ai jamais désiré. Je crois que tu dois y aller. Où? À Washington. Sans moi. Sans moi, Joe. N'est-ce pas ce que tu avais envie d'entendre? J'ai besoin d'être chez moi. Ah, c'est nouveau. Tout est toujours nouveau. L'appartement est trop petit pour trois. Il était parfait pour Louise et Pryor, mais pas assez pour Louise Pryor et la maladie de Pryor. Tu n'as pas à me juger, hein? C'est pas un crime. Pathétique. Je vais mourir. Espèce de débile. Aimer, tu sais ce que ça veut dire, aimer? Ça fait 4 ans et demi qu'on vit ensemble. Crétin. Imbécile. On peut aimer quelqu'un et manquer à sa promesse. On peut aimer quelqu'un et ne pas être capable de... Théoriquement, en effet, on en est capable. Mais pas toi, Louise. Je t'aime, Pryor. On s'en fout. Voici le verdict, votre honneur. Cet homme a une insuffisance du cœur. Il aime, mais son amour ne vaut rien. Il faut que je trouve le moyen de me sauver. Harper, depuis que je te connais, tu as peur d'hommes cachés sous le lit, d'hommes cachés sous le canapé, d'hommes avec des couteaux. Je sais maintenant qui sont ces hommes. C'est moi. L'homme au couteau. C'est moi. C'est toi? Je suis désolé. Si je pouvais me lever, je te tuerais. Va-t'en! Va donc, je me mets à hurler. Je t'en prie. Hiver 1985-86. Qui êtes-vous ? Mon nom est Pryor Walter. Je m'appelle aussi Pryor Walter ? Je sais. Expliquez-vous. Tu es vivant ? Moi non. Nous portons le même nom. Qu'a-t-il à expliquer ? Un fantôme ? Un ancêtre. Le fameux Pryor Walter ? De la tapisserie de Bayeux ? Son arrière-arrière-petit-fils. Le cinquième du nom. Je suis le 34e, il me semble. Les petites choses que tu avales... Des pilules. Des pilules. Contre la peste. Comme moi. La peste ? Vous aussi quoi ? La peste, de mon temps, faisait des ravages pires que maintenant. Des villages vidés entièrement. Au premier regard que tu jetais à l'aube, tu voyais la mort avancer dans les ruelles, le bas déchiré de sa robe noire mouillée par la rosée. Aussi clairement que je te vois. Vous êtes mort de la peste ? Le monstre purulent. Seul. Comme toi. Je ne suis pas seul. Tu n'as ni femme ni enfant. Je suis gay. Et alors ? Sois gay si tu en as l'humeur et l'envie de danser, mais quel rapport avec ne pas avoir d'enfant ? Gay, homosexuel. C'est pas une question de gaieté. Bon, passons. Le messager arrive. Accueille-le. Tu as été choisi. C'est un honneur. Quel dommage que tu n'aies pas de fils pour partager cette gloire avec eux. Parmi les si nombreux membres composant la famille des Walter, deux au moins de ces membres ont été emportés par la peste, ce monstre purulent. La moitié de la ville de Londres décimée, transmis par les puces, des puces sur des rats. Comment le prévoir ? Votre peste à vous, si j'ai bien compris, provient d'une déplorable origine vénérienne. Je vais mourir ? Quand on meurt, aucun ancêtre n'est là pour te tenir la main. Tu meurs seul. Même entouré d'enfants. J'ai peur. Il y a de quoi ? Le chemin est fait de rochers. Sombre et humide et aucun flambeau ne l'éclaire. Mais tu as encore beaucoup de belles choses à vivre. Nous allons préparer son arrivée triomphale, répandre des pétales de rose et agiter des palmes à brasser. Tu es le nouveau prophète, l'annonciateur, le voyant. C'est un grand honneur pour une famille. Dès cet instant, de l'orée du ciel brillante comme des miroirs, à travers l'espace infini, glacé et sans vie, le messager arrive dans une traînée de lumière pour une fabuleuse renaissance. Ô prophète, à toi de préparer l'infinie descente. Gloire. Il est on ne peut plus difficile d'être de gauche dans ce pays. Hein. La gauche américaine reste attachée à quelques petits symboles fétichistes comme la liberté ou les droits de l'homme. Mais Bush, lui aussi, invoque des droits de l'homme. Quand ils en parlent, ils entendent toujours un type de droit basé sur la propriété bourgeoise. Mais ce n'est pas ça la vraie liberté, la vraie démocratie. C'est seulement du libéralisme de la pire espèce, vraiment, produit de la tolérance bourgeoise. Je pense que le sida nous en montre les limites, qu'il ne suffit pas qu'on nous tolère. Parce que lorsque tu as le nez dans la merde, tu peux alors vraiment mesurer ce qu'elle vaut, la tolérance. Rien. Et qu'en fait, cette tolérance ne fait que dissimuler une haine intense et passionnelle. T'es pas convaincu ? Si. Ce qu'il nous faut, c'est du pouvoir. Et non pas être toléré. Ici, en Amérique, nous sommes plus différents que dans tous les autres pays. Car il y a finalement ici toutes les races. Et ce ne sont pas les races qui nous déterminent. À l'opposé de l'Europe, par exemple. Où dans chaque pays, il existe une sorte de monopole racial ou ethnique incontournable, une sorte de monolithe. C'est pour cette raison qu'en Europe, les Juifs ne furent jamais considérés comme des Européens. C'était juste un petit problème. Ici, en Amérique, il n'y a pas de monolithe. Enfin, si, il y a tout de même le monolithe de l'Amérique blanche macho et hétéro. Un monolithe qui se pose un peu là, quand même. Oui, je sais, tu me diras, ce pays est extraordinairement raciste. Je n'en minimise pas l'importance. C'est comme chez les Anglais, tous ces types roses aux yeux bleus. Et pourtant pas trop le type juif. Mais quand j'entre dans un pub à Londres, on me regarde comme si j'étais Sid Le Youpin. Alors, je dis pas qu'on me regarde avec mépris, comme si c'était des Allemands qui restent, à mon avis, incroyablement antisémites et tout aussi racistes, tout aussi anti-noirs, quoi qu'ils en disent. C'est le destin de leur race qui préoccupe les Anglais. Pas leur avenir et leur destin politique. Alors qu'en Amérique, au final, la race, c'est un problème politique. Ah, parce que pour toi, il n'y a pas de problème racial dans ce pays. J'ai pas dit ça. Je veux dire qu'ici, les racistes utilisent la race comme un élément politique. C'est comme tous ces mystiques à la con, là, qui font des invocations pour entrer en communication avec les esprits des ancêtres, qui se concentrent afin d'accéder à la lumière pour redécouvrir des racines spirituelles, dans un pays qui n'en a pas précisément de racines. Les Indiens, mis à part, mais nous les avons liquidés. Aujourd'hui, ici, il n'y a pas de dieu en Amérique. Pas d'esprit, ni de fantôme, il n'y a pas d'ange en Amérique. Pas d'antériorité spirituelle, pas d'origine raciale commune. Ici, tout est politique. Et le reste n'est que manœuvre et diversion pour éviter le combat ultime, pour empêcher que le pouvoir politique ne soit donné au peuple. Le pouvoir au peuple. Amen. Oh là là, zut. Regarde l'heure, j'y crois pas. Autrement dit, je dis n'importe quoi. N'importe quoi? Non. C'est certainement quelque chose. Écoute, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous. Je suis quoi, raciste? Naïf? Je fais des discours de privilégiés? Écoute, je suis resté assis sagement me disant que t'allais bien finir par manquer de souffle. J'ai vraiment plus intéressant à faire qu'à écouter sagement un tas de conneries racistes. Je suis pas raciste. Oh, ça va. Je le suis peut-être un peu, mais... Oh, difficile de discuter des formes d'oppression avec un ex-travelot noir. Louis, t'as vraiment envie que je te déteste? Tu sais ce que je pense? Je me dis que tu me détestes parce que je suis juif. Je m'en vais. Bon, c'est la vérité. Hein. Je suis heureux de constater que tu n'as pas changé et qu'après ta diatribe de blanc, ne reculant devant aucune polémique de blanc qui ose prétendre qu'ici, on serait indifférent aux races, tu as le sacré putain de culot de me traiter d'antisémite, alors que tu me détestes parce que tu détestes les noirs. C'est faux. Tu fais des chèques sans provision pour tout, Louis. Tu n'éclaires sur rien. C'est censé vouloir dire? Te fais pas plus continuer. Cherche. J'ai toujours été clair en ce qui concerne Pryor. Je l'aime, sans ambivalence. C'est la vérité. Je l'aime vraiment. Personne ne dit le contraire. Le véritable amour n'est jamais ambivalent. Fin du traitement numéro 4. Miracle médical. Lazare respire à nouveau. Enlevez la chemise. Et voyons le... Six lésions seulement. C'est bien. Le pantalon. Ça m'a l'air bien. Vous avez des remarques à faire? J'ai les chevilles douloureuses et enflées. Et la jambe va mieux. Les petites pilules oranges m'ont supprimé presque toutes les nausées. Mes selles sont liquides, mais il n'y a plus de sang. Mon docteur pour les yeux est rassuré. Mon dentiste dit poids quand il voit ma langue chargée. Et maintenant, pour m'examiner, il enfile de petits préservatifs au pouce et à l'index. Et il met aussi un masque. Quoi encore? Mon dermato est en vacances à Hawaï. Et ma mère, laissons-la hors du cou. C'est l'habitude qu'elle a prise d'ailleurs de rester hors du cou. J'ai les ganglions gros comme des noix. Mon poids est stabilisé depuis 2 semaines maintenant. Un de mes amis est mort il y a 2 jours. De tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire me terrifie. Et je ne suis pas allé à l'enterrement parce qu'il était irlandais. Et les Irlandais laissent le cercueil ouvert pendant la cérémonie. J'ai eu peur de le voir. Non, donc je peux dire que je vais bien. Sauf que je suis en train de devenir cinglé. Nous avons vérifié les réactions à la toxoplasmose. Il n'y a aucun signe. Je sais, mais... Je sens que quelque chose de terrifiant se prépare. Vous comprenez? Comme un missile venu de l'espace. Il fonce droit sur nous pour nous désintégrer et... Je suis généralement considéré comme un PD très calme et raisonnable. Alors que je me sens plus que nerveux. Je vais vous prier de m'excuser, mais j'ai une salle d'attente pleine de... Je pense que vous faites partie de ces vénards qui vont sans doute vivre encore pendant des années. Vous êtes plutôt plein de santé pour quelqu'un privé de défense immunitaire. Est-ce que vous voyez quelqu'un? La solitude est un danger, Un thérapeute? Non, j'ai besoin de personne. J'ai juste... Pensez-y tout de même. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous êtes simplement soumis à des tas de stress. Aide-moi. Pardon? T'es infirmier. Donne-moi quelque chose. Je sais pas quoi faire. Et je sens... Je sens plus rien que du froid. Du froid en moi. Seulement du froid. Et chaque nuit, il me manque. Il me manque tellement. Mais le souvenir de cette plaie, l'odeur... Mélise, dis-lui que je l'aime. Tu peux faire ça? Je vais mourir. Lui, il va mourir. Toi, t'aimerais bien. Moi. Pouvez-vous me dire où je suis? Suis-je à Brooklyn? Y a-t-il un bus ou un métro qui... Je suis perdue. J'arrive de Salt Lake City. Salt Lake City, la ville, dans l'Utah. J'ai pris le bus qu'on m'avait indiqué et je suis descendue au terminus. J'avais pourtant demandé poliment au chauffeur de m'indiquer si on était bien à Brooklyn, et il avait fait oui de la tête. Mais c'était un étranger, venu d'un de ces pays où on sera obligé d'opiner à tout ce qu'on dit, même si l'on n'a pas compris un mot. Et en vérité, il ne devait pas parler du tout anglais. Ce qui devrait suffire à le rendre inapte à occuper n'importe quel emploi dans les transports publics. Mon fils était censé me rejoindre à l'aéroport, mais je ne l'ai pas vu. Et par principe, je n'attends personne, qui que ce soit, en retard, plus de 3 heures, 3 quarts. Est-ce que nous sommes bien à... Bronx. Vous dites? Le Bronx? Mais au nom de tous les saints, comment puis-je me retrouver dans le Bronx alors que le chauffeur de bus m'a dit... Vous pouvez pas arrêter ce... dégoûtant, là. Bouffe. Bestial, dégoûtant, là. Bouffe en faisant que bouffer. Ça change quoi si vous, ou les autres, vous arrêtez de bouffer? Vous mourriez? Je ne comprends pas ce que vous... Vous approchez pas de cette soupe, espèce de pute dégoûtante! Vous n'aurez pas de cette soupe. Putain, qu'elle fait froid! Vous connaissez les prédictions de Nostradamus? Qui? Un mec avec qui je suis sorti, je sais plus où, autrefois. Nostradamus. Prophète. Proscrit. Des yeux perçants comme... redoutable merde. S'il vous plaît, arrêtez de jacasser un moment. Il n'y a personne alentour. Je suis trempée et glacée et je suis très en colère. Et dites-moi comment je peux regagner Brooklyn. Je sais pas. Jamais su. Regret. Un peu de soupe. Et Manhattan? Vous savez pas non plus? J'imagine que vous ignorez aussi où se trouve le centre d'accueil des Mormons. Angle 65e rue Broadway. Comment vous... On le fait tout le temps. On voit des films sans payer. Des films chiants, mais on peut y passer la journée. Merci. Dans le nouveau siècle, on sera tous sacrés. Je ne peux pas. Ma réponse est non, je suis navré. Oh, les excuses, ça va. Je supporte pas que les gens s'excusent. Ma femme a disparu, ma mère arrive de Salt Lake City pour m'aider à la retrouver, j'imagine. Je devrais être à l'aéroport en train de l'attendre, mais je... Bon, écoute, je suis très pressé. Et... Mais après tout, c'était que du travail. Du travail? Du travail? Washington? Petit mormon provincial merdeux. Washington! Quand Washington a fait appel à moi, j'étais plus jeune que toi. Tu crois que j'ai dit « Ah non, allez vous faire voir, je peux pas, j'ai 2 doigts dans le cul, un petit segment de nez à ma conscience par-dessus le marché ?» Quand Washington t'appelle, mon jeu dit « Va direct !» Ou alors « Va te faire baiser ailleurs, parce que le train partira sans toi, tu l'auras manqué, ce sera fini pour toi, tu resteras dehors, nulle part, dans le froid. » Allez, mignonne, tire-toi. Mais laissez-moi seulement vous... Expliquer avec des phrases, tu m'as brisé le cœur. Trouve une bonne raison. Trouve-la, cette bonne raison. Je vous aime, Roy, mais je voudrais tellement pouvoir être tel que vous. Prendre une vraie part active dans le monde, dans votre monde, Roy, mais il y a des lois que je ne peux pas ne pas appliquer. Elles sont gravées en moi. Ce serait me renier. Alors vous avez peut-être raison. Hein. Peut-être que je suis quelqu'un de déjà mort. Tu n'es pas mort, mon garçon. Tu es une pédale. Tu m'aimes. C'est émouvant et je suis ému. C'est super d'être aimé. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande réussite dans la vie, Joe? Ce qui me remplit de fierté quand je regarde en arrière. Et j'ai aidé à en faire des présidents ou à en défaire ou des maires et plus encore ces enfoirés de juges, plus que n'importe qui à New York. Sans même parler d'avoir gagné plusieurs millions de dollars non imposables. Eh bien, de tout ce que j'ai fait, sais-tu ce qui me semble le plus important? As-tu entendu parler d'Ethel Rosenberg? Hein, Joe? Hein? Oui, il me semble, oui, je... Oui. Tu as entendu parler d'Ethel Rosenberg, oui. T'as même dû lire des choses sur elle dans les livres d'histoire. Sans moi, Joe, Ethel Rosenberg serait encore en vie aujourd'hui. Et elle n'est plus là, parce que pendant son procès, Joe, j'ai téléphoné au juge chaque jour. Oui. Chaque jour, j'ai fait ce que je fais le mieux, parler au téléphone. Pour m'assurer que ce petit juge Youpin, intimidé dans son fauteuil, ferait son devoir envers l'Amérique et envers l'histoire. Cette femme, douce et mal fagotée, avec ses deux gosses si mignons qui nous rappelaient à tous, nos petites mamas juives, elle a failli sauver sa tête. J'ai plaidé jusqu'aux larmes qu'on l'envoie sur la chaise électrique. Moi, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que je hais les traîtres. Parce que je hais les communistes. Alors que ce soit légal ou pas, je m'en foutais. Tu veux être quelqu'un de correct ou tu veux être efficace? Faire la loi ou la subir? Faut choisir. Je vous crois pas. Parole d'évangile. Mais vous étiez procureur adjoint dans cette affaire. Or, communiquer directement avec le juge en cours de procès serait répréhensible et dans un cas qui s'est soldé par une exécution, ce serait assimilé à... À un meurtre? Vous vous sentez pas bien? Ça veut dire quoi que... Qui se sent pas bien? Mais vous m'avez dit que... Mais j'ai rien dit, j'ai dit quoi? Que vous aviez un cancer? Non. Que vous étiez condamné? Mais de quoi tu parles, Joe? Je suis en parfaite santé. Je vais impeccablement bien. On se serre la main. J'accepte que tu me fasses mal parce que je t'aime, mon petit Joe. C'est pour ça que je suis dur avec toi. Le fils prodigue, le monde essuiera ses pieds sales sur toi. Oui, ça a déjà commencé. Allez, maintenant, va-t'en. Je serai toujours là, je t'attendrai. Petit ingrat, traître. Hey, transgresse enfin un peu, Joseph. Il y a tant de lois. Trouve-en une à laquelle tu n'obéiras pas. Vous êtes qui, vous? La nouvelle infirmière? Putain! Ethel Rosenberg. Vous n'allez pas bien, on dirait, Roy. Vous avez raison, Ethel. Je me sens pas bien. Cette saleté frappe à l'aveuglette, hein? C'est maintenant que ça va devenir drôle. C'est quoi ça, Ethel? Vous faites carnaval? Vous essayez de me faire peur? Eh ben, vous perdez votre temps. Me fait tout seul plus peur que vous, Ethel. Plutôt mort que rouge. Allez tous vous faire foutre, car j'ai pas peur de la mort, ni de l'enfer, ni de quoi que ce soit. Ah. Oh, on devrait appeler une ambulance. Je compose quoi, Roy? Le 911. Il faudrait, je vous prie, envoyer une ambulance au domicile de Monsieur Roy Cohn, le fameux avocat. Qui je suis? Ethel Rosenberg. Ah non, je ne fais pas partie de la famille. Non, je ne fais pas partie de la famille de Monsieur Cohn, une vieille amie. Ils ont dit dans une minute. J'ai tout le temps. Vous êtes immortel. Je suis immortel, c'est vrai. Je me suis taillé tout seul une place dans l'histoire, Ethel. je ne mourrai jamais. L'histoire, elle s'ouvre sur du vide. Le millénium approche. C'est le grand soir. Tu n'es pas impatient? C'est cette nuit qu'elle arrive. Elle traversera le toit. Adam, Agadol. De l'ail, un miroir, de l'eau bénite, un crucifix. Foutez le camp! Sortez de ma chambre! Allez! Tu dois la voir raide comme du buis, je parie. Nous sommes tous bandés quand elle approche. Nos membres sont pleins comme des lunes. Danse. Que je danse? Laissez-moi, je vous en prie. Laissez-moi dormir. Ah, tu désires avoir ton partenaire habituel. Un partenaire qui connaît la musique. Ferme les yeux. Et imagine. Ouvre-les. Louise? Danse avec moi. Je ne peux pas. Avec ma jambe, la nuit, j'ai très mal. Es-tu un fantôme, Lou? Non, seulement une apparition. Je me sens perdu. Assis à longueur de journée sur des bancs glacés. Avec pour seul désir d'être avec toi. Dansons, mon chéri. Ah, je comprends maintenant pourquoi il n'a pas d'enfant. C'est un sodomite. Je n'interviendrai pas. J'ai joué mon rôle. Hurrah, le messager arrive, je disparais. Je n'aime pas cet endroit. 20e siècle. Le monde est devenu si vieux, affreusement vieux. Vous connaissez l'histoire de Lazare? Lazare? Je ne me rappelle pas ce qui lui arrive exactement. Lazare était mort et Jésus lui a rendu la vie. Il l'a fait revenir de la mort. Vous venez souvent ici? Non. Ouais. Ouais. Ça peut être une coïncidence. Notre rencontre. Je vous suivais. Depuis le travail, Je vous ai suivi jusqu'ici. Ah, quand vous m'avez vu l'autre jour dans les toilettes, vous avez pensé... Ce type est un gentil, insensible. Il pleure quand ses amis traversent des épreuves. Oui. Mais vous vous êtes dit qu'il pleurera aussi sur vous un jour, peut-être. Oui. Eh bien, vous vous trompez. C'était des larmes de crocodile. Des fausses. Pour rien. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne fais pas ça. Oh, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, je voudrais vous toucher. Est-ce que je peux? S'il vous plaît. Avec ça, je vais en enfer. La belle affaire. Ça ne peut pas être pire que New York. Viens. Où? Chez moi. Mais il n'y a pas de raison, je vous connais pas. Et ce que vous savez de moi ne vous plaît pas? Les trucs républicains? Oui, ça, d'abord. C'est peu de dire que ça ne me plaît pas. Je l'ai en horreur. Mais alors, comment c'est? Couple étrange. Je n'ai pas du tout l'intention de passer la nuit tout seul. Je suis quelqu'un d'assez nul, Louis. Je ne mérite pas d'être aimé. Voilà au moins un point en commun. Ce bruit, on dirait des oiseaux, comme un très grand oiseau. J'ai peur. Non, je suis gay et j'ai l'habitude de supporter des épreuves. Je me suis endurci. Oh, j'ai une envie, une de ces envies. Il va se passer quelque chose. J'ai peur. Ça ne me plaît pas du tout. Quelque chose approche et je... Oh! Wow. Dieu tout-puissant. Très Steven Spielberg. Je te salue, prophète. Le grand œuvre commence. Le messager est arrivé. Angels in America de Tony Kushner. Texte français de Pierre Laville. Adaptation radiophonique de Pierre Laville et Guillaume Poix, d'après la version intégrale publiée à l'avant-scène dans la collection des 80. Avec Michel Favori, Véronique Vella, Alain Langlais, Florence Viala, Michel Vuillermoz, Julie Sicard, Jérémy Lopez, Clément Hervieux-Léger, Christophe Montenez, Jennifer Decker, Noam Morgenstern, Rebecca Marder, Dominique Blanc, Gaël Camilindi et Clément Bresson. La pièce Angels in America est entrée au répertoire de la Comédie Française dans la version scénique et la mise en scène d'Arnaud Desplechin, salle Richelieu, en janvier 2020. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Ossir. Une coproduction France Culture Comédie Française. Though you forget.